fait nos côtés. Pas de ni famille, ou détruit nous. Si nous pas veillons nous, viens nous qui cacher. Alors fais-moi plus confiance. Pour l'amour à nous pas tomber. Après nous faisons à deux. Pour découvrir qui mon aïe. En Paris mettre ma genou. Pour espimer l'amour à moi de nous. Pour trouver une solution pour nous vivre.